En Corée, à l'occasion des 55 ans de la participation du général Kim Jong-il au campement militaire, il y a eu le 17 la marche de pèlerinage des étudiants et élèves de la ville de Pyongyang au lieu révolutionnaire d'Oun. Lors du campement, le général Kim Jong-il y a synthétisé intégralement par ses activités idéologico-théoriques les idées, théories et méthodes de combat originaux du président Kim Il-sung et dirigé lucidement les affaires pour la formation des étudiants en pilier fiable de la révolution de Sun-gun. Les pèlerins ont tout d'abord déposé les corbeilles et bouquets de fleurs devant les statues en bronze du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il érigées dans le campus de l'université Kim Il-sung pour lui rendre hommage. Avant le départ, il y a eu un rassemblement. Arrivés au lieu révolutionnaire d'Oun, les pèlerins ont écouté les explications sommaires, vu les objets et édifices d'intérêt historique. Ensuite, il y a eu à la cour d'honneur du monument aux faits révolutionnaires la jute oratoire des pèlerins.